la cave ou la corde, les tribulations d'artisans aixois sous la Révolution par Jean d'Arrigue. Chapitre 1er. Un matin comme les autres. Sur le coup de 7 heures du matin, Corentin Gassin, facteur de fauteuils de son état, décrocha les lourds volets de son atelier de l'impasse des Aiguesiers d'une main ferme et puissante, aussi facilement que s'il se fût agi de feuilles de carton. Mesurant plus d'une toise, Corentin était une force de la nature. Son épaisse chevelure d'un roux incandescent, serrée en catogan, renforçait encore son aspect d'animal puissant. À l'étage, son épouse Manon fit claquer les volets contre la façade, montrant sa belle frimousse, sa jolie poitrine débordant du caraco. Elle adressa un beau sourire à leur voisin, Anicet Imbert, le tapissier de la rue de la Porte Peinte, juste en face du logement des Gassins. Anicet ouvrait lui aussi son échoppe. Presque aussi grand que Corentin, les cheveux d'un noir de jais, la peau hâlée, il possédait des yeux peu communs. Ils étaient d'un gris si pâle qu'ils en devenaient presque blancs quand il était en colère. Les traits de son visage étaient aussi fins que ceux d'une fille. Recueillis tous deux à leur naissance par les sœurs de l'orphelinat d'Avignon, les deux artisans ne s'étaient quittés que pendant leur apprentissage, après lequel ils étaient venus s'installer à Aix. S'aimant comme deux frères, même peut-être plus, ils ne pouvaient vivre longtemps éloignés l'un de l'autre. Comme presque tous les matins, malgré le petit froid piquant de cette fin novembre 1790, la conversation s'engagea. Alors, Corentin, ben dormit? Comme une bestia, mon béo. Et tu? Moi, pas trop. J'avais des idées qui tournaient dans ma tête. Hier au soir, je suis allé au club des amis de la Constitution. Pourquoi n'es-tu pas venu? J'avais une réparation urgente à finir. Alors, raconte, que s'est-il passé? Corentin et Anicet étaient tous deux membres du club des Amis de la Constitution qui se réunissaient dans l'ancienne chapelle des Messieurs, dépendante du Collège Bourbon, quartier Saint-Louis. Cette association, de laquelle ils s'étaient rapprochés à la fin de l'été 90, était formée de bourgeois, avocats ou commerçants qui se voulaient patriotes et chauds partisans de la Révolution. Peu d'artisans y étaient acceptés, aussi ils avaient été tentés par la société plus populaire des Vénérables Frères antipolitiques, lors de sa création. Mais, effrayés bien vite par les discours extrémistes de leur fondateur, l'abbé Rive, ils avaient considéré la société des Amis de la Constitution comme correspondant mieux à leurs idées et à la façon dont ils voulaient les défendre. Ils y avaient finalement été admis. Le secrétaire, déclara Anicet, a pris la parole et nous a exposé ses doutes au sujet du club que veulent fonder les royalistes. Ah oui, ceux qui se réunissent au café Guyon sur le cours. C'est bien la Société des Amis de la Religion et du Roi qu'ils veulent fonder. Je ne sais pas s'ils porteront ce nom-là. En tout cas, ce sont deux drôles de fusils. Ils veulent supprimer la Constitution et revenir à l'ancien Parlement de Provence avec ses États. Enfin quoi, ils veulent que rien ne change et conserver leurs privilèges. Corentin traversa la rue pour parler à voix plus basse à Anicet. Le quartier n'avait pas besoin de savoir ce qu'il se racontait. Manon était restée à la fenêtre et Anicet ne la quittait pas des yeux. Comme il la trouvait jolie. Elle lui paraissait parée de toutes les qualités et de tous les attraits qu'un homme rêve de trouver chez une femme. Il se fit violence pour continuer la discussion. Ils achètent les adhésions en promettant monts et merveilles. À la chapelle du collège, j'ai pris la parole pour dénoncer ce que j'ai vu et entendu au café Casati. Le café Casati était situé juste à côté du cercle Guyon. Il servait de façade et de lieu de recrutement au club des anti-révolutionnaires. Il était un peu le pendant plébéien du cercle Guyon, exclusivement aristocratique. Corentin aussi avait entendu parler des pratiques racoleuses des fondateurs de cette association. Un de ses clients, Petit Marquis, lui avait même proposé un marché juteux en échange de son adhésion. Mais Corentin voulait en savoir plus sur l'épisode du café Casati, car cet établissement n'était pas de ceux qu'il fréquentait habituellement. Pour mieux me faire entendre, j'ai demandé la parole et je suis même monté à la tribune. Mes frères, ai-je dit, je veux porter témoignage de ce que j'ai vu et entendu chez Casati. Je travaillais dans le café à la réfection des garnitures de deux banquettes. Tout d'abord, j'étais étonné de voir entrer un ouvrier, puis deux paysans qui ne savaient pas où poser les pieds. Assis à une table, un homme, certainement un noble, leur parla. J'ai remarqué qu'il n'avait pas de cocarde au chapeau. Il leur faisait tout un tas de promesses et, à l'un d'eux, il a même remis des écus. puis l'a écrit sur un papier qu'il leur a fait ensuite signer. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une lettre d'embauche, mais l'homme est venu alors me parler. « Vous ne voulez pas, vous aussi, adhérer à notre société ?»« Vous n'y perdrez pas, je vous le garantis, » m'a-t-il dit. « Et qu'est-ce que j'y gagne ?» lui ai-je demandé. « Vous n'êtes pas anti-religieux, et vous aimez le roi, n'est-ce pas ?»« Alors, vous devez adhérer à notre club. Vous y gagnerez des amis, notre protection et du travail pour très longtemps, » a-t-il ajouté. « S'il avait su que j'étais frère des amis de la Constitution. » « Et qu'ont dit les autres au club ?» demanda Corentin pendant que Manon se montrait fière d'Anicet. « Oh là, mes propos ont fait un tollé. Il y en a qui voulaient se rendre sur le champ au café Casati pour en découdre. Le président a dû donner force coup de maillet pour ramener le calme. Il nous a conseillé de réunir le plus de témoignages possible pour déposer une plainte à la maison commune auprès des autorités. « Utilisons les voies légales, je vous en supplie, mes amis, » nous a-t-il dit. « Dois-je vous rappeler que vous êtes ici pour apprendre à devenir de vrais citoyens ?»« Le club doit être un lieu de paix et de réflexion et non une pétaudière. Notre premier devoir est de respecter l'ordre et la modération. Vous en avez fait le serment. » Depuis quelques jours, la création d'une société royaliste mettait Aix en effervescence. Un noble, M. de Guéramant, ancien écuyer et promoteur du projet, se faisait particulièrement remarquer par une attitude provocante et agressive à l'égard de tous ceux qui montraient une sympathie révolutionnaire. On racontait qu'il avait même imaginé de faire porter aux membres de la société une cocarde blanche. Lui-même s'était montré à plusieurs reprises, arborant un bouton blanc au chapeau. Au beau milieu de cet échange, Armande, l'épouse d'Anicet, se montra au seuil de l'échoppe du tapissier. Elle possédait la même chevelure rousse que Corentin, mais la sienne était flamboyante et miroitait comme de la soie. Le regard d'un bleu profond et chaud, grande, déliée, elle possédait une plastique si merveilleuse que beaucoup trouvaient qu'elle ressemblait étonnamment à la Cybèle de Chastel sur le fronton de la halle aux herbes. Elle avait subjugué Anicet qui l'avait épousée, confondant désir et amour. Pourtant, selon le vieil adage qui se ressemble s'assemble, les gens étaient persuadés qu'Armande était la femme de Corentin et non celle d'Anicet. Après son apprentissage de sculpteur sur bois chez son père, Armande était venue s'installer chez son mari. C'est là qu'elle avait découvert l'ami intime d'Anicet, Corentin, qui cherchait justement un sculpteur sur bois. Leur collaboration fut vite conclue, d'autant que Manon, l'épouse de Corentin, travaillait déjà avec Anicet. Elle avait appris la tapisserie chez les sœurs et excellait dans des compositions qui tenaient compte des goûts et de l'ameublement des clients du tapissier. Du jour où Armande connut Corentin, chaque fois qu'elle l'approchait, un afflux de sang rosissait leur deux visages. Mais c'était une réaction heureusement fugace. Artiste habile, Armande n'avait pas sa pareille pour dessiner et sculpter les motifs les plus gracieux sur les dossiers de chaises ou de fauteuils. Corentin lui confiait des créations inédites ou exigées par le client, lui se contentant de graver les guirlandes de feuilles de chêne ou d'olivier sur les accoudoirs et les montants des fauteuils. Ainsi, chaque matin, dès l'heure du travail sonné, les deux couples procédaient à un chassé-croisé, Manon se rendant chez Anicet et Armande chez Corentin. Ce dernier posait souvent ses outils pour admirer le travail d'Armande, mais c'était surtout la femme qu'il dévorait des yeux et non l'ouvrage. Loin de la déstabiliser, ce regard brûlant posé sur elle enveloppait Armande d'une tendre chaleur, rassurante et stimulante. Inutile de préciser que tous les soirs, chacun des quatre amis s'endormait dans l'attente secrète du lendemain. Anicet se disait que c'était Manon qu'il aurait dû épouser, puisqu'ils étaient tellement bien ensemble. Armande, elle, rêvait toutes les nuits de Corentin. Pourtant, une solide affection unissait chaque couple, mais tous quatre n'ignoraient rien des inclinations de chacun. Manon descendit de sa fenêtre et vint à son tour rejoindre ses amis en se coulant près d'Anicet chez qui elle allait prendre son ouvrage. « Crois-tu vraiment qu'il y ait une conspiration royaliste ?» demanda Corentin. « Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. Je crains que les antipolitiques de la Vérive n'aient trouvé là un prétexte pour dévorer de l'aristo. Je me demande de quel côté est vraiment le complot. » Le club des frères antipolitiques avait été fondé quelque temps plus tôt par la Vérive, appelé au poste de bibliothécaire par l'archevêque d'Aix. Ayant vécu les chaudes journées de juillet 89 à Paris, il était rempli de haine et de rancœur contre tout ce qui touchait la noblesse et la royauté. Malade et handicapé, il soignait son égo à coups d'invectives et d'anathèmes. Peu de temps après son arrivée, Il avait écrit un mémoire fielleux contre le Parlement, réclamant le paiement d'honoraires non payés, fustigeant sa hiérarchie et la contre-révolution. C'est ce fou de Rive qui sème la discorde. Tout allait pour le mieux avant qu'il n'arrive, ajouta Corentin. Dis, mon époux, qui a prononcé ce discours incendiaire au palais en septembre? C'est Pascalis. Qui a prédit les pires malheurs à la Provence du fait de la suppression de son Parlement? C'est Pascalis. Ce Parlement qui s'est octroyé tous les droits, tous les pouvoirs, qui rend la justice à coups d'assignat, qui décide des impôts et en met dans ses poches, c'est bien Pascalis et ses acolytes, non? Ce bourgeois bouffi d'orgueil, ce soi-disant prince du barreau, c'est un anti-révolutionnaire. Ça au moins tu ne peux pas le nier. Manon, rétorqua Corentin, tu n'y comprends rien. C'est un homme attaché aux États de Provence, à notre langue, notre culture, notre parlement, et qui pense qu'avoir mis tout cela à bas, alors que nous l'avons défendu pendant des siècles, c'est nous avoir vendu à Paris. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Nous avions une certaine indépendance et bientôt nous obéirons aux ordres de Paris. Pascalis se prend pour un aigle, appuya Nice. Mais il raisonne petit, étriqué. Il faut voir plus grand, plus loin que la cloche de son église et le fond de sa bourse. Ensemble, les Français seront plus puissants, la nation sera renforcée. De toute façon, pas question de revenir en arrière. De fait, Pascalis ne défend que ses privilèges et ceux de son bord. Il est pitoyable avec ses discours larmoyants. Peut-être, mais pour l'instant, on ne nous a accordé guère plus de droits que les anciens usages de la Provence. Ici, nous avons toujours été beaucoup plus libres que les autres. D'ailleurs, tu verras, la disparition des États de Provence n'apportera rien de plus à notre façon de vivre. Ceci dit, moi, ce que j'attends, c'est la République, la vraie. Et le plus sûr moyen d'y arriver, je te l'accorde, c'est de continuer dans le mouvement amorcé par la Révolution. Vaci, collega, fin finala siam d'accordi. Eh bien alors, pourquoi venir me chercher, Noise? Repartit Anicet en souriant. Armande s'interposa. Ces discussions politiques n'étaient guère de son goût, même s'il avait accueilli la Révolution avec sympathie, tout en déplorant les morts qu'elle avait déjà faits. Oh, les hommes, on ne travaille pas aujourd'hui? Allez, les deux coqs, il est temps d'aller besogner, sinon les poules ne vous font pas d'œufs, dit-elle en riant. Ayant dit cela, elle entra dans l'atelier de Corentin d'un pas décidé et commença à préparer ses ciseaux et ses maillets.